Pau la Reine vers la Calanque. Partie 1. Dans Paris, ingénu. Le faux bouquiniste. À de certains jours où tout le monde se rend du côté de l'exposition, Paris, ça et là, offre la surprise d'un quartier, d'un coin demeuré désert et qui rappelle agréablement la paix des villes de province. Ces coins, ces quartiers, je ne les indiquerai pas. À quoi bon? Le vulgaire, en effet, se garderait bien d'y venir, et les amoureux de silence sauront les découvrir tout seuls. Dénonçons quand même les quais, délicieux en ce moment. Toute la rivière est en joie. Des bateaux passent, innombrables, quelques-uns dorés. Ils se croisent, abordent, repartent, fendant de la proue l'eau vert sombre qui se retrousse et qui leur fait, ainsi qu'à de fabuleux cachalots, des moustaches de cristal et d'écume. Moulés nus, un baigneur de chiens. Plus loin, trois pêcheurs à la ligne. Les populations se pressent aux embarcadères des bas-ports, mais le haut du quai reste solitaire. Qui songe aux livres maintenant? J'avais tort. Voici le dernier bibliophile. Il s'arrête, il fouille les cases. Heureux, dans son innocente manie, il ne rentrera qu'en portant un choix de ses bouquins où des bribes de vieil or luisent encore sur la reliure fatiguée que l'âge et les intempéries changèrent en molle amadou. Faisons comme lui. Non pas que les bouquins me tentent, seulement le quai se trouve tout près de chez moi. Je puis y descendre en pantoufles, et la promenade est charmante. On marche lentement, sans que personne vous bouscule, dans la fraîcheur qui tombe des arbres. On contemple de loin, avec un sentiment d'égoïste tranquillité, le brouhaha de la rivière. On admire l'ombre portée d'une branche de sycomore, qu'un rayon de soleil découpe, en dessin chinois, sur les grandes dalles du trottoir. On s'hypnotise, songerie vague à regarder le dos d'un livre, et quand on relève les yeux, la verdure oubliée paraît plus belle. Parfois aussi, le long des quais, on peut espérer une aventure. C'était le lendemain du 14 juillet. Je flânais, à mon ordinaire, devant des bouquins qu'un bouquiniste par instinct et par habitude venait d'étaler sur le parapet. Après quoi, résigné à son sort et parfaitement sûr de ne rien vendre, ayant calé sous un arbre le vieux fauteuil qui lui servait de siège, ce bouquiniste s'était endormi. Je me trouvai seul. Une dame s'arrêta, une très jeune dame, et légèrement, de ses doigts gantés, elle se mit à feuilleter un bossuet in folio déjà feuilleté par la brise. Un peu en manière de contenance, il était visible de reste que Bossuet et les variations de l'Église protestante ne l'intéressaient qu'à demi. La dame, elle, m'intéressa. Parisienne? Non, mais plutôt à en juger par l'extravagance ingénue de sa robe grisette, manches bouffantes, jupon droit, tout empourpré de roses rouges, et par l'amusant contraste que le grand chapeau, crânement planté, faisait avec sa physionomie demeurée timide, plutôt une de ces provinciales cérébralement inquiètes et raffinées qui, Bovary inconsciente, dans l'ennui des petites villes, rêve le rêve de Paris. Tout à coup, comme quelqu'un qui prend une résolution hardie, « Monsieur, me dit la jeune dame, il doit se trouver... « ici, une case pour les romans. »« Sans doute. »« C'est que voyez-vous, » reprit-elle sans me donner le temps de lui répondre. « Venus à Paris pour l'exposition, nous devons repartir dans 3 jours, et je voudrais emporter à la Roche perdue quelques livres, point trop ennuyeux, qu'on puisse lire les après-midi au jardin, pendant que mon mari, qui est inspecteur de l'enregistrement, fait sa tournée. » Elle était toute rouge en disant cela, un peu gênée, un peu émue. Mais pourquoi diantre tout de même choisissait-elle pour confident ? Mon Dieu, répliquai-je, vous avez raison, et rien ne vaut pour donner le change à des idées qui, en votre ville de la Roche perdue, ne doivent pas toujours être folâtres, un livre honnêtement écrit et lisiblement imprimé, par la magie duquel chacun peut vivre les aventures que l'existence lui refuse et parcourir, sans changer de place, les pays qui lui seraient interdits de visiter. Maintenant, elle m'écoutait d'un air attentif qui semblait me dire « Parfait, continuez, c'est bien cela. » Et moi, je trouvais amusant, pour cette petite personne sentant bon et dont le corsage délicatement passionné témoignait par moments une émotion discrète, de faire ainsi, en plein Paris, seule sous les arbres, une conférence à propos du roman contemporain. Je continuais donc. « Précisément, madame, la saison est bonne, et parmi les romans parus d'hier, tout en craignant que vous ne les trouviez pas dans ces cases, je ne saurais trop vous recommander « Le disciple » de Paul Bourget, ou, comme un jet de chèvrefeuille autour d'un arbre foudroyé, les plus délicates psychologies s'enroulent au plus effroyable des drames. « Henriette » de François Coppé, suite de tableaux subtilement parisiens encadrant la touchante histoire d'un cœur simple. « Ma vocation » de Ferdinand Fabre, autobiographie émue, qui m'a fait pleurer 4 fois, bien que par habitude et par état, j'eusse pu me croire à l'abri de pareils attendrissements. J'allais ajouter « La chèvre d'or ». Un reste de pudeur m'arrêta. D'ailleurs, la dame, depuis un moment, esquissait une légère moue. « Mais monsieur, j'ai lu tout cela. Ce sont les livres que m'achète mon mari. »« Je devine, madame, il vous faudrait des livres qu'un mari n'achète pas. » Elle parlait maintenant à voix basse, les cils mi-clos, presque comme au confessionnal, et tout doucement, malgré moi, je me sentais devenir onctueux et grave. Ô mes rois, du but de la forêt, Pompon, et vous, tous les analystes charmants des perversités féminines, avec quelle éloquence, quelle flamme, 5 minutes durant, dans la plus mignonne des oreilles, je sus chuchoter votre éloge. À chaque nom, à chaque titre, ma belle interlocutrice secouait la tête, si bien que, impatientée, elle finit par m'interrompre. Hélas, je connais encore ces livres-là. Un ami de mon mari, qui est en garnison à la Roche perdue, les fait venir de Paris et me les prête. Mais alors, attendez. Je hasardais un titre. Parfaitement. C'est bien cela. Montrez-moi quelque chose en ce genre. Avec gravure. Avec gravure. Ce fut à mon tour de rougir. Je saluai néanmoins et gravement. Vous savez, madame, qu'on ne vend guère de ces livres-là qu'en Belgique. Mais peut-être le bouquiniste en cache-t-il dans quelque coin. Nous pouvons le lui demander. Voilà justement qu'il se réveille. Vous n'êtes donc pas le bouquiniste ? Nullement, un simple voisin amateur de livres comme vous. Oh, monsieur, je vous félicite de l'erreur. La vue de mes pantoufles vous aura trompé. La dame partit, se voilant et me jetant un long regard de haine à travers sa voilette. Mais ces haines ne durent guère. Il serait curieux peut-être de faire maintenant à la Roche perdue un voyage de quelques jours. 19 juillet 1880.